Nouvelle ère, Braka, Roots. Dans le rap, vous êtes tous des rats. Toi t'es qui? Cléopatra, Patra ou Dabrat? Je parle comme un don, agis comme un gon quand y'a drame. Mettez mon bras, on va tout frra. Normal. Dans le rap, je suis en marche, je me classe pas. Me fâche pas, dans les poumons, j'ai un flashball, je clash pas, je casse les bras. Je viens tout pulvériser, Clan New School embrasse les trottoirs de Sky, c'est African historisé. Oh là là. C'est quoi ces zèbres? C'est mon Radmat fight. Le tien, c'est de pleurer comme Ramayad. Pour la maille des rats, mes gars ramassent pierre comme à Ramallah. Les aigles Z rapassent Kamer, Kabyle berbère dans la cabine pépère. Tu veux que personne touche à ta russe? Tu tires sur le premier qui la nique? Tu veux être crédible? Ne sors qu'avec des filles uniques. Pff. Oh là là, les caves veulent grailler mes serres, mais ils veulent pas que je graille les leurs comme des crânes. Dispo, calme-toi, Dispo. Il faut la maille d'Ibramovic à Bramovic, tant qu'on frappe comme Stankovic. Vas-y, appelle la famille pour cigare et nostalgie. Ouais. Allô, Cigar. Ouais, je suis au studio avec Nespo là. Vas-y, passe, gros. Mais bien sûr que je rêve de millions, de milliards, que dis-je de billards, mais pas de meurtres millions. Je vais poser les fondations de ma villa, ça prendra tant qu'il faudra. Je rendrai visite avec l'argent d'ici, on laisse les triples à Mila. On aura des maisons avec des gradins comme à Wembley, pour garder nos enfants marqués des buts dans les vitres de la Bentley. C'est un kiff de gagner son pif, assez d'art ce que l'on veut. Mais lui, l'argent a changé son visage comme le passage du feu. Rien à dire, il gère bien son patrimoine et ses femmes, mais personne ne devient chaud sans se faire allumer. Mon pote est prêt à se laisser brûler pour apprivoiser les flammes, ok. Les billets pleuvent, mais continue de se sentir poisseux comme un cadavre dans un fleuve. Y'a rien, c'est l'homme qui a peur, il a retenu cette phrase comme un code. Donc il continuera à casser des côtes pour une villa sur la côte. Enfermé dans sa chambre, il parle à son oseille. Je flinguerai pour toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. Passe-moi mon cigare. Hardcore, négro, mais t'auras jamais la classe de Don Corleone. Car si, cigare en paix comme Vito. Hombre, tu finiras la casse comme Nino. C'est vrai que t'es hardcore, négro, mais t'auras jamais la classe de Don Corleone. Nostalgie. Les yeux masqués par la fumée de ce que tu fumes. Tu vois passer trois gosses déterminés, ça te rappelle ce que nous fumes. Elles me disent que j'ai une queue à la place du cerveau quand elles sont visées par mes punchlines. Je leur réponds que d'après le tarot de leur sac, elles ont des visas gold dans la chatte. La mort, la prison, la Dolce Vita. Garcé de Cuba dans un cap où ta bouche en guise de cercueil pour tes parties génitales. Moi aussi j'ai des problèmes, trouve du taf, rache l'oseille. Un pauvre, trop généreux, tu sortiras jamais de la merde. L'argent fait le bonheur, éphémère mais juicy. Ce sera le cas tant que j'aurai pas vu Bill Gates déprimé après la mort de son fils. La génération précédente a demandé aux latinos et aux afro-américains comment faire pour que le plan nous respecte. Tony Montana et Nino Brown leur ont conseillé d'investir vite fait dans la pierre au Père Lachaise. Fuck quel virage qui fait les Libanaises blondes de Brazza. J'ai vu de la drogue là-bas, j'ai vu des armes, des bras, des cadavres, des crapules. Et après seulement j'ai vu Sosa mettre Tony à quatre pattes. Il a la classe de Niro avec ses Marc Jacobs. Mais y'a quel acteur pour se taper une barre dans les making of après un gunshot? Je vais te dire quelque chose, c'est vraiment du sang sur mon t-shirt, pas du Hollywood ketchup. T'es hardcore, négro, mais t'auras jamais la classe de Don Corleone. Car si, cigare en paix comme Vito Hombre, tu finiras la casse comme Nino. C'est vrai que t'es hardcore, négro, mais t'auras jamais la classe de Don Corleone. Nostalgie. Les yeux masqués par la fumée de ce que tu fumes. Tu vois passer trois gosses déterminés, ça te rappelle ce que nous fumes. Les mecs te parlent, rien à voir avec le camis. Ils te raquettent, oui, rien à voir avec le tennis. J'ai la vision, oui, rien à voir avec les iris. L'esprit de Lumumba, rien à voir avec le chimiste. Cigare et nostalgie.